L'heure babylonique par Abel Herman. Jamais Zadig n'avait encore vu son auguste maître si agité par la colère. Nabussan, d'ordinaire, gardait jusque dans ses transports les plus violents cette décence et cette gravité que tous les peuples de la terre admirent chez leurs voisins de droite sur la carte, qu'ils appellent orientaux. Il pensait qu'il est humain de perdre son sang-froid dans les occasions, mais que mieux vaut le perdre assis que debout, et mieux encore le perdre couché. Ce matin, la position horizontale lui était insupportable. Il essayait bien de se tenir allongé sur son divan paré de merveilleux tapis, mais au bout d'un instant, il lançait en l'air les coussins qui avaient l'impertinence de lui retomber sur le nez. Il fallait un saut de carpe et se recevait sur son auguste séant, dans l'attitude des tailleurs. Mais ses jambes, à peine croisées, se décroisaient et il bondissait sur le plancher. Il se mettait à se promener en long et en large, comme le roi des animaux dans sa cage, en faisant des grognements inarticulés, qui rappelaient, révérence parlée, ceux d'un puma. Zadig était venu à l'audience lui-même fort irrité, s'était calmé à cette vue, par esprit de contradiction, et observait en silence, avec une respectueuse pitié, les manifestations excessives d'un courroux dont il n'ignorait pas la cause. Or, la cause était celle-ci. Tous les hommes s'entendent depuis la création du monde, et selon la vraisemblance, ils s'entendront jusqu'à la fin des siècles sur un point, savoir que deux et deux font quatre. Mais ils ne peuvent s'entendre sur la manière de mesurer le temps, qui est purement arbitraire, et ne saurait avoir aucun caractère de raison ni de nécessité. On ne peut cependant la laisser au gré de chacun, dès que les hommes et à certains égards, les nations vivent entre soi dans un état de société. Cette liberté engendrerait les plus grands désordres entre les personnes privées et mettrait les sages à la merci des fous qui ne manqueraient pas de soutenir qu'il est nuit en plein jour. Entre les peuples divers, elle gênerait fort les communications. Les peuples se sont mis d'accord assez facilement sur ce qu'il y a justement de plus arbitraire dans cet arbitraire et ils ont adopté la division de la journée en 24 heures. Ils ont commencé de ne plus s'accorder quand il a fallu résoudre si l'on compterait ces 24 heures de 1 à 24, comme il semblait au premier abord naturel, ou deux fois de 1 à 12. Les partisans de cette dernière numérotation alléguaient qu'il est raisonnable de distinguer le jour de la nuit. Leurs adversaires ripostaient qu'ils se distinguent fort bien tout seuls, que de plus, ils sont inégaux et qu'il n'y a pas en effet, sauf deux fois par an, 12 heures de nuit pour 12 heures de jour. Après s'être longtemps chamaillé et injurié copieusement, partisans et adversaires aperçurent que leurs différends n'avaient aucune importance et que l'on pouvait, sans incommoder personne, compter 24 ou 2 fois 12. Mais quand devait-on compter un? À quel moment de la course du soleil? La question était plus délicate et l'arrangement ne fut point si aisé. Les Babyloniens, qui sont des ingénus, pensèrent que le plus simple était de faire commencer le jour au moment qu'il commence sans notre permission, c'est-à-dire quand le soleil se lève. Les Babyloniens, qui sont devenus depuis les grands alliés de Sérendip, étaient alors ses pires ennemis. Tout ce qui venait de Babylone était blâmé à Sérendip ou tourné en dérision. Aussi, quand les Sérendibois apprirent que les Babyloniens faisaient commencer le jour dans le moment qu'il commence, ils résolurent, d'une commune voix, de le faire commencer dans le moment qu'il finit. Lorsque le soleil était sur le point de disparaître derrière l'horizon, un guetteur, monté sur la plus haute tour de la ville, criait dans toutes les directions « Le soleil se couche, le jour commence, il est 0 heure, dans 1 heure il sera 1 heure !» Bien avant que les Babyloniens s'entendissent cordialement avec les Sérendibois, et quand ils étaient encore à couteau tiré, une étrange maladie commença de sévir dans le royaume de Sérendib. On l'appelait la Babylonomanie. C'était une rage de trouver admirables toutes les modes et les institutions de Babylone. Les Sérendibois, durant de longues années, soupirèrent de ne pouvoir, pour des motifs de patriotisme, adopter leur babylonique. Ils le firent d'enthousiasme dès que le traité d'alliance fut signé, et avant même que la Grande Guerre éclata. Zadig, qui ne perdait jamais de vue les intérêts de son pays et de son roi, dit à ce propos au ministre de Babylone « Nous empruntons leur babylonique. Mais c'est à condition que vous emprunterez notre système de poids et mesure, qui est simple et excellent, et que vous renoncerez au vôtre, qui, soit dit sans vous offenser, est à rebours du sens commun. Je vous rappelle aussi que vous deviez construire un pont sur le bras de mer qui sépare nos deux États. « Vous faites bien de me le rappeler, » répondit avec une exquise politesse le ministre de Babylone. « Je n'y pensais plus. Quant à votre système métrique, soyez certain que nous vous l'emprunterons et nous y aurons tout profit. » Depuis lors, c'est au lever du soleil que le guetteur de Sérendip, grimpé au haut de sa tour, criait « Le jour commence !» Mais les Babyloniens continuaient d'employer, par esprit de tradition, un système de poids et mesures qui semblait dater du déluge. Ils pensaient aussi toujours à ce grand pont qu'ils devaient construire. Mais quand on ne fait que penser toujours à une chose, c'est précisément comme si l'on n'y pensait jamais. Cependant, ils ont un grand sens de l'utile et de la commodité. Aussi, un beau jour, s'avisèrent-ils que seuls les gens de la campagne se réglaient sur les horloges, réglaient elles-mêmes sur le soleil. Les gens des villes se méfiaient et pendant la belle saison, où le soleil se lève tôt, quand ils entendaient le crieur crier « le jour commence », ils se retournaient dans leur lit, murmurant d'une voix mourante « tout va bien, encore 2 heures ou 3 heures à dormir ». Désespérant de leur persuader par le raisonnement qu'il est de bonne hygiène de se lever à l'aube, le sage gouvernement de Babylone imagina un subterfuge fort ingénieux. Dès que le guetteur voyait poindre le jour, au lieu de crier « il est 0 heures », il avait ordre de crier « il est 1 heure ». Comme on avait pu faire cette réforme sans avertir le public, les citadins de Babylone se dirent « on ne nous y prendra pas ». Mais dès le lendemain, ils n'y songèrent plus et ils se levèrent 1 heure plus tôt. Lorsque Zadig vit les heureux effets de cette invention, il remontra au roi Nabussan qu'ayant adopté l'heure babylonique d'hiver, Sérendip ferait bien d'adopter aussi l'heure babylonique d'été. Il eut d'abord quelque peine à convaincre son maître qu'il ne pouvait pas entendre qu'il est après tout l'heure qu'on veut. Mais Nabussan, dès qu'il l'eut compris, devint le partisan le plus enthousiaste de l'heure d'été, et ce qui le mettait ce matin-là hors de lui, c'est que d'autres ne comprenaient pas ce qu'il avait fini par comprendre lui-même avec une certaine lenteur, mais avec d'autant plus de solidité. Les paysans assuraient que leurs vaches ne se laissaient point traire 1 heure plus tôt, et quand on leur répondait que ce n'était pas 1 heure plus tôt, mais la même heure sous un autre nom, ils déclaraient que leur dignité paysanne leur défendait d'appeler 2e heure la première pour faire plaisir aux gens de la ville. Cette ânerie eût été de peu de conséquence si les campagnes n'avaient été représentées au Parlement depuis que Nabussan avait octroyé une charte à ces sujets. La plupart des députés ruraux n'étaient pas personnellement assez bornés pour méconnaître les avantages de l'heure babylonique d'été. Mais ils ne se souciaient point de n'être pas réélus, et ils croyaient, avec trop de raison, que le meilleur moyen de l'être était de se montrer aussi stupide que leurs électeurs. Il y avait eu la veille à la Chambre une discussion insensée sur ce sujet, où les principaux arguments avaient été des cris d'animaux. Comme sa hôtesse ne se gênait point pour en pousser elle-même quelques-uns, tandis qu'elle se promenait à grands pas furieux dans son cabinet de travail, Zadig lui fit remarquer, avec une fermeté respectueuse, que ces manifestations, dont s'accommode la souveraineté du peuple, ne sont point convenables à la dignité d'un véritable souverain. « Que voulez-vous ? » dit le roi, en faisant halte brusquement. « La bêtise m'exaspère. Mais vous aussi, monsieur, vous me semblez assez nerveux ce matin. » « J'imagine que c'est pour le même motif. »« À peu près, sire, » repartit Zadig. « Mais la bébêtise m'attire encore plus que la bêtise. Il y a une nuance. »« Au fait, » dit Nabussan, « je ne suis pas fâché que mes députés se conduisent comme les gamins des écoles. Ils feront tomber dans le discrédit le régime parlementaire, et mon peuple me bénira quand il me prendra fantaisie de me débarrasser d'eux par une opération de police un peu rude. »« Sire, » dit le ministre, « n'en croyez rien. » La politique du pire est dangereuse et ménage bien des déceptions. Et puis, on prétendait jadis que le ridicule tue à Sérendip. C'était le bon temps. J'ai peur que de nos jours, il ne fasse le contraire de tuer. C'était l'heure babylonique par Abel Hermant.